et je suis l'arrêt qui va vers la bonne direction. Non, je ne suis pas un train. Si je vois qu'il y a une déviation, je pense à celle qui est bonne. Si jamais j'ai de dalil, si pas de dalil, on demande au ulama qu'il nous explique une mas'ala avec le dalil, et après on prend le haq. Si c'est l'imam Ahmed qui l'a dit, on prend son kalam. Si c'est l'imam Shafi'i qui l'a dit, et akada. Bien que les ulama disent que le madhhab le plus proche de la sunna, c'est celui de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Celui qui a le moins de mukhalafat ou le plus de muwafaqa avec le sawab, avec la vérité, c'est l'imam, c'est le madhhab de l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, imam al-sunna fi zaman. Parce qu'aujourd'hui, c'est un imam pour nous. Mais il reste un homme. Et lui-même n'a jamais appelé à ce qu'on suive aveuglément. Il n'aurait jamais agréé cela. Rahimahullah ta'ala. Pas même. L'homme se retrouve fi al-asl al-thalith. Qui elle-même découle de la, du deuxième fondement. Elle va avec. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله ذلك طيب فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل يعرف عند أكثر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Donc maintenant, le troisième fondement, c'est quoi? C'est qu'après que nous ayons uni notre parole sur la vérité, que les musulmans soient soudés sur leur religion, sur même une vraie croyance, il leur incombe d'obéir au gouverneur. Et quel gouverneur? Les gouverneurs des musulmans. Quand bien même serait ce gouverneur un esclave habashi, parce que le gouverneur a des conditions, à la base. Et parmi elles, qu'il soit quraishite. Mais ce ne sont pas des conditions, on va dire, fondamentales. C'est-à-dire, si jamais tu n'as pas cette condition-là, ton gouvernement est légitime. On dit non. Ce sont des chouroutes de kamel, de perfection et d'application de la sunna. Maintenant, celui qui ne remplit pas certaines de ces conditions, ça ne veut pas dire que son gouvernement, que son autorité, elle est légitime. Certaines conditions le sont, et d'autres sont moins importantes. Elles sont moins importantes. Qui n'en est pas le sujet. Donc Allah a bien déclaré cela dans son livre, de façon suffisante, et de plusieurs façons. Déjà de façon par la législation, et d'une façon par les faits. Donc après, qu'est-ce que la situation est devenue? Que ce fondement a été ignoré par la plupart des gens qui s'apparentent à la science. L'obéissance et l'écoute du gouverneur. Muslim, avec une bichart, bil ma'aruf. Donc c'est convenable. Qu'a le charia, le shi'a al-Faymin, rahimahullah ta'ala. Donc là, il précise justement que, après que nous soyons unis, il nous revient d'obéir aux gouverneurs, d'appliquer leurs ordres et de délaisser ce qu'ils interdisent, comme on l'a dit, la kifil ma'alouf. Puis il dit, en ce qui concerne là, il va expliquer quoi? Amma bayanu shan'an. Il va expliquer maintenant l'exercicement que Allah il a fait au point de vue de la législation sur l'obéissance du gouverneur. Qal. Fa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa min bayanihi fi kitabillahi ta'ala qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli amri minkum. Donc parmi les points du kitab de la sunna, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et aux détenteurs du pouvoir d'entre vous, c'est-à-dire des musulmans. Donc on avait expliqué que ce verset, le verbe de l'obéissance vient deux fois, une fois pour Allah, une fois pour son messager, et pour le gouverneur, c'est vient avec harf, atf, wa, c'est-à-dire et. Ce qui prouve que leur obéissance doit être conforme à celle d'Allah et de son messager. Et même ce verset est interprété comme ulil amr, comme étant le savant également. L'obéissance au savant. Savant de la sunna, il faut leur obéir. وقال تعالى واتعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. En le sens, Allah dit, obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, ne vous querellez pas sans quoi vous échouerez et votre force s'en ira. et patientez, sachez que Allah est avec les endurants. Endurez. وَقُلُوا تَعَالَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et accrochez-vous tous à la religion d'Allah et ne vous divisez pas. Vous voyez, c'est Adila ressemble au Adila du fondement précédent. Et il dit maintenant dans la Sunna, il y en a d'autres Adila, mais là c'est comme on dit, pas la peine de tous les citer. Un, deux suffisent, quand ils sont clairs. Après, il dit parmi les preuves de la Sunna, qui appelle à l'obéissance au gouverneur dans le ma'aruf, ma ja fi sahihayn min hadith Ubadah ibn Samit. قال بايع على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشتنا ومكره مكرهنا أو عسرنا ويسرنا وأثرت علينا وإن لا ننازع الأمر لأهلي. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Donc il dit Ubadah que nous avons porté allégeance au prophète صلى الله عليه وسلم dans l'écoute et l'obéissance, dans ce qui nous plaît ou nous déplaît, dans la difficulté ou la facilité, et que nous n'avons pas à disputer le pouvoir à ces gens, c'est-à-dire chercher à destituer quelqu'un de son pouvoir. Après il a dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si vous voyez de lui une mécréance claire dont vous avez une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le gouverneur peut être destitué si jamais il tombe dans la mécréance claire, ça il n'y a plus aucun doute. Mais attention, même cette destitution, elle a des conditions. C'est-à-dire si le gouverneur est devenu mécréant, mais qu'il a encore la force, et que le peuple n'est pas en moyen de sortir contre lui, sans que cela mène à de plus grands dégâts, alors ne le font pas. Quel grand exemple on a à cette époque-là ? La Syrie. Exactement la Syrie. Aujourd'hui, ils sont encore en guerre, et encore dans les fitanes, qui ne s'arrêtent pas du fait qu'ils sont sortis sur un gouverneur. Bachar Assad, c'est un kafir. Là-dessus, il n'y a pas de... Il y a ni l'ulama, il le dit clairement. Cependant, le peuple syrien n'avait pas la coudre de sortir contre lui. Il n'avait pas la possibilité de sortir contre lui. Mais ils l'ont quand même fait. Résultat, ce qui se passe devant nous aujourd'hui. Combien d'années maintenant? 5 ans, à peu près. 5 ans de guerre. Combien de morts? Combien de... Les gens qui ont fui leur pays, qui sont expatriés ailleurs maintenant, combien? Sans compter maintenant tout ce qui rentre, Daesh qui rentre, et Foulane qui rentre, et la Russe qui rentre, et Foulane qui rentre, tout le semaine maintenant. Ça veut dire que eux-mêmes ne pourront pas nier que, avant leur sortie, leur vie elle était meilleure. Elle était peut-être pénible, mais aujourd'hui elle est encore plus pénible. Elle s'est empirée. Wa qala alayhi salatu wa salam, من رأى من أميره شيئا فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. Donc il a dit que celui qui voit de son gouverneur une chose, c'est-à-dire qu'il lui déplaît, qu'il patiente. Car si jamais il se sépare du groupe, c'est-à-dire de gouverner avec leur gouverneur, d'un empan, et que par la suite il meurt, il mourra d'une mort de la jahiliya. Une mort de l'époque pré-islamique. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man khala'a yadan min ta'ati laqiya Allah yawm al-qiyamah la hujjata lahu. Celui qui désobéit, c'est-à-dire à celui qui a l'autorité, le gouverneur, il rencontrera Allah yawm al-qiyamah sans aucun argument pour justifier son acte. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, isma'u wa ati'u wa in umira 'alaykum 'abdun habashiyyun. Il a dit, écoutez et obéissez, même si vous êtes sous l'autorité d'un serviteur Habashi, d'Abyssinie, c'est-à-dire les Éthiopiens. Le Habasha, aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. Et ça, maintenant, attention, ce hadith, à bien comprendre, ce n'est pas un appel au racisme. C'est tout simplement que c'était connu que pour les gens, il y avait des rangs, et que pour eux, pour les Arabes à leur époque, l'esclave noir venait de l'étranger, avait un rang bas. Donc en fait, c'est une sorte de mubalara pour dire que même si la personne qui vous paraît la plus de niveau social le plus bas a l'autorité sur vous, vous devez l'obéir. Maintenant, ça ne veut pas dire que le noir ou le habashi vont mettre l'arabe. Les hadiths sont venus là-dessus. Mais c'est juste parce que par rapport au rouf des gens, mais auprès d'Allah, il n'y a pas de différence. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier. Dans les pays arabes, le racisme, il est présent. C'est un fait. Indéniable. Et même dans les pays autres arabes. Hein. C'est pas que chez les arabes. Sinon, dans beaucoup de pays, tu vas trouver... le racisme est toujours existant, malheureusement. Et si Allah nous permet, Inch'Allah, on fera une kalima sur le... Al-Ansariya, sur le racisme. Bismillah ta'ala. Wa qala alayhi salatu wa salam, wa la al-mar'i al-muslim al-sam wa ta'ati fi ma ahabbu wa kariha illa an yu'mar bi ma'siyati fa idha umira bi ma'siyati fa la sam' wa la ta'a muttafaqun alayhi min Abdillah ibn Omar, qu'il dit qu'il revient aux musulmans d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, à part si on leur donne de faire une désobéissance. Alors si cela est le cas, il n'a pas à obéir ni à écouter. Donc ça, c'est le short qu'on a cité au début, que l'ordre soit un ordre fil ma'arouf, voilà fil munkar, sinon on n'obéit pas. Et le fait de ne pas obéir ne veut pas dire se révolter. طيب c'est un autre adillah, mais inshallah hazi takfi. Donc là, par ça, ce sont les preuves qui reviennent. Al-bayan wadih. Est-ce que c'est des choses claires ou elles sont pas claires? Elles sont claires. Elles sont claires, c'est un fondement, il est clair. L'obéissance au gouverneur, dans les coutumes de l'Aqidah, on va le trouver. L'obéissance au gouverneur des musulmans. Et aujourd'hui, ce fondement est oublié et contredit par la plupart des gens de l'islam. Entre ceux qui vont plus loin que d'autres, tu verras rarement aujourd'hui même un ami qui ne soit pas parmi les gens de la Sunna qui critique le gouverneur. Il va critiquer le gouverneur du Maroc, ou celui de la Tunisie, ou celui d'Algérie, ou celui de la Turquie. Et parmi les gouverneurs les plus critiqués et qui méritent le moins de lettres, ceux d'Arabie Saoudite. Ceux d'Arabie Saoudite, malheureusement. Les gouverneurs ne sont pas infaillibles. Et comme on dit, on ne défend pas leurs erreurs. Mais il y a une façon de faire. Blâmer l'erreur du gouverneur ne se fait pas comme tu blâmeras l'erreur de ton fils. D'accord ? Ou d'un petit nouveau qui vient d'arriver comme ça. Il y a une façon de faire, comme par exemple, Mounasaha Birasa'il. Et ça, ça se fait avec science. Pas en criant, tu montes sur le minbar, tu te mets à crier. Par exemple, il a fait une khutba pour mettre le Hamas dans le cœur des gens, qu'ils aient la rage contre le gouverneur. T'arriveras à rien en faisant cela. Et les gens parlent gouverneur ceci, gouverneur cela, gouverneur ceci, gouverneur cela, et même chez eux, ils sont les premiers à être en opposition à beaucoup de règles de l'islam. Donc c'est une attitude complètement irresponsable. Tout le temps mettre la faute sur les autres. C'est à cause du gouverneur, c'est à cause du gouverneur, c'est à cause du gouverneur. Tu le regardes comme on leur pense, tu dis le gouverneur t'a forcé à te raser. J'en avais un, là, dans une ville où, quand j'habitais à Joinville-le-Pont, un petit jeune qui venait de Tunisie, il avait une pizzeria. Il vient, on parlait, tu vois, on discutait comme ça, j'étais nouveau encore, mais c'est un fondement, alhamdoulilah, j'avais déjà compris, pas pour gouverneur. Il me dit par exemple, regarde, il me critiquait le gouverneur de Tunisie. Je le connais pas moi, je le connais pas, mais ce que je sais, c'est que le gouverneur, tu parles pas sur lui comme ça et tout. Tu sais pas, toi, regarde, par exemple, toi, ils m'ont regardé, ils font, regarde, toi, t'es en barbe, en camille, c'est bien. En Tunisie, tu peux pas. Mais toi, t'es en France, tu peux et tu le fais pas, donc explique-moi. T'es en France devant moi, tu me fais mon éloge pour ça, et toi, t'es en jean et t'es rasé. Explique-moi, c'est quoi le problème avec le gouverneur tunisien? Qui t'empêche de le faire là maintenant, là? Au lieu de parler de ce gouverneur tunisien, commence par toi-même. C'est un grand khay. Commence par toi, tu te mets droit. Au-dessus de ta tête, il y a la télé, de la musique, tu vends des pizzas. Et tu passes le gouverneur tunisien. Tu dis, c'est pas normal. Tu vois, si tu veux vraiment le réel, commence par ta propre personne. Après ton entourage, au fur et à mesure, après le cercle s'élargit. Et si tout le monde fait ça, comme on l'expliquait, ça va arriver jusqu'au gouverneur. Jusqu'au gouverneur, ça va arriver. Quand l'État a là, ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغِيرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا لَكُمِنْ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِيَنْفُسِهِمْ. Car Allah n'a jamais changé le bienfait dans un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'ils ont eux-mêmes. C'est-à-dire que le peuple qui se revoient d'abord eux-mêmes avant qu'ils revoient leur gouverneur. Et plus le peuple sera salih, plus Allah leur accordera le tawfiq d'avoir un gouverneur qui est salih. Mais plus il sera facile, et plus les conséquences suivront derrière. Non. Et parmi les causes qui ont amené à ce que les gens le gouverneur, c'est le osl des khawarij, c'est la dunya. Au bout de dunya. Quand Zuhwaisira, il a dit à Mohammed, il a dit à Mohammed. Sois juste Mohammed. C'est quoi son but? Une part du but, hein. Une part du but, hein. C'est tout. Donc souvent tu vois écrit gouverneur, c'est pour la dounia. Hein. Parce que le gouverneur, comme les ulama le disent, il t'empêche pas de faire salat. Il t'empêche pas de faire ton hajj. Tes arcanes, tu les fais en pays d'islam. De façon générale. D'accord? Et même, après t'en es, ils vont te dire, oui, mais le mosquée, il est fermé après la salat. Stop. C'est une erreur, mais... Si tu fais ton vol, tu rentres chez toi. Tu veux faire des nawafil, tu les fais chez toi à la base. La sunna, les nawafil, c'est les faire à la maison. C'est vrai que des fois, ils font des choses qui s'opposent à la religion. Ni pas. D'accord? Mais toi, déjà, à ta base, ta religion, tu peux l'appliquer. Et le reste, tu fais comme tu peux. Après, ils vont où? En France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. On ne comprend pas. C'est quoi que vous voulez? La dunya. C'est la plus grande hujja. C'est que tu veux la dunya. Pourquoi? Tu vas, j'ai des pays de dunya après. C'est pas par exemple, il y a des problèmes au Maroc et après ils vont en Algérie. Non, il y a des problèmes au Maroc, il va aller en France. Il y a des problèmes en Algérie, il va aller en Allemagne. Il y a des problèmes en Tunisie, il va aller en Angleterre. Tu dis, va en Arabie Saoudite. Tu fais, ah non, ils sont pires ceux-là encore. Ah, il fait, eux, ils sont pires encore. Tu dis, ah, ils sont pires. Dans sa langue, l'arafia. Donc il dit, justement, maintenant, maintenant, l'éclaircissement par rapport au destin et au fait. Au fait. C'est qu'il dit justement que il n'échappe à personne que la Ummah Islamiyya, lorsqu'elle était attachée à la religion, fortement, et en apparence, et intérieurement, ils étaient en force sur terre. C'est un fait. La communauté islamique, dans les premiers temps, elle était forte. Et qu'ils obéissaient à leur gouverneur. Même à leur époque, des gens critiquaient le gouverneur, mais c'était moins que maintenant. Beaucoup moins que maintenant. Et les gouverneurs à l'époque, ils rigolaient pas. Ils ne rigolaient pas. T'en avais certains comme Youssouf ibn Hajjaj. Lui, il était fortement critiqué, il a fait beaucoup de mal. Il a tué des ulama, des sahaba. Mais attention, sur un truc sur lequel les premiers gouverneurs ne pouvaient pas les blâmer, c'est que face au koufar, ils ne rigolaient pas. Quand il y avait un jihad à faire, ils le faisaient. Un mot aujourd'hui, c'est obéissance au gouverneur qu'il y a à faire. Ils ont peur des koufars. Les premiers gouverneurs, c'était pas comme ça. Les koufars avaient peur d'eux. C'est vrai qu'ils faisaient des injustices sur leur peuple. Mais par rapport aux vrais ennemis, ah, tu les voyais, c'était des bâtards. La bravoure. Ils n'avaient pas peur de faire le djihad. C'est pour ça que les conquêtes, les frontières sont élargies. Mais aujourd'hui, elles se rétrécissent. Et le peu qu'on a, il est divisé en plus. Le peu qu'on a, on va avoir une terre, on l'a divisé en 5. 5 gouverneurs différents. Et ainsi de suite. Pour nous diviser. À l'Asaf. Donc à cette époque-là, les musulmans avaient la force sur terre et faisaient peur à leurs ennemis. Tu n'aurais jamais vu un kafir, par exemple, faire une caricature pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. À cette époque-là. Il aurait fait ça, il sait qu'il y a une armée qui débarque le lendemain. Takriban. Moi, ça aurait été su. Quelqu'un, il aurait fait une caricature, il se moque de lui de façon ouverte et publique. Ça, c'est partout. Le lendemain, on dit où vous nous livrez cet homme-là qui a fait ça, là. Ou vous lui faites une sentence, ou il y a une armée qui va venir chez vous. Et comme il savait ça, avec ça, il se tenait droit. Aujourd'hui, on s'en va la affaire. Donc, à l'époque, les musulmans obéissaient à leur gouverneur. Donc, Allah leur accordait la puissance sur terre. Comme a dit Allah Ta'ala, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَلَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَيُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Il dit que Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont œuvré des bonnes œuvres qu'il les remplacera sur terre comme il l'a fait à ceux d'avant et qu'il leur donnera le pouvoir avec leur religion qu'il a agréée pour eux, qu'il changera leur peur en sécurité. C'est quoi la condition? Qu'ils m'adorent et ne m'associent rien. Donc, tahqiq et tawhid. Et ça revient à première os, l'ikhlas. Tout se lit. Appliquer le tawhid avec l'ikhlas, cela va amener à ce quoi? Que Allah t'accorde le pouvoir. Parce que les gens, on leur dit souvent aux gens, c'est le tawhid. Ouais, mais votre tawhid, tout le temps, tawhid, tawhid, faut passer à autre chose. Dit, le verset nous dit, c'est le tawhid, le asl. Pour toi et pour le mujtama. Pour toi, pour tes enfants dans votre maison, et pour ton quartier, et pour ta ville, et pour ton pays, et pour toute la Ummah. Et on va dire pour toute la terre, parce que si jamais les musulmans prennent le dessus, les koufars ils vont suivre. Et s'ils ne suivent pas, en tout cas, ils vont se faire petits. Donc c'est le tawhid, la clé pour la dunya et surtout pour l'akhirah. Non, ils ne veulent pas. Tawhid, ça les fatigue. Wa qala ta'ala wa lansurunna allaha man yansuruh inna allaha laqawiyyun aziz. Que Allah secourra celui qui le secourt. Que certes, Allah est fort et puissant. Maintenant, secourir Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Secourir sa religion. Donc comment? En l'appliquant. En l'appliquant. Wa qala ta'ala الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Ceux lorsqu'on leur accorde le pouvoir sur terre, ils appliquent la salat, s'acquittent de la zakat, qu'ils en donnent le convenable et interdisent le blâmable, et c'est certes à Allah que revient la rétribution des choses. Donc là, regarde une fois de plus, Allah dit que celui à qui il lui accorde le pouvoir, qu'il fasse que la salat soit appliquée, que le zakat soit acquitté, et que le bien soit ordonné, et le convenu, et le blâmable soit interdit, et que la rétribution est à Allah. Ça, c'est ça le rôle du gouverneur. Et le rôle du gouverné, c'est d'obéir, de suivre. Car l'ordre du gouverneur, c'est l'ordre d'Allah, à la base. L'ordre du gouverneur, c'est celui d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا أَحْدَثَتَ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مَا أَحْدَثَتْ وَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَتَمَرَّدُوا عَلَى أَئِمَّتِهِمْ وَخَرَجُوا عَلَيْهِمْ وَكَانُوا شِيَعًا نزعت المهيبة والمهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتعادت عليهم الأمم وصاروا غثاء كعصا السيل. لا إله إلا الله. Dit que lorsque la communauté islamique justement a innové dans sa religion et a divisé sa religion et se sont rebellés contre leur gouverneur en sortant contre eux et se mettent en partie, que Allah a ôté la peur des cœurs de leurs ennemis sur eux. Donc là, ils se sont divisés, ils ont échoué, et leur force s'en est allée. Et là, ils sont devenus comme l'écume qui est sur le torrent, c'est-à-dire nombreux, et sans beaucoup de faïda. Les musulmans sont nombreux aujourd'hui, très nombreux, mais leur nombre ne leur apporte pas utilité, tant qu'ils restent sur le hal sur lequel ils sont. C'est-à-dire de division, de mukharafat, de jahel, ou ghayr dhalika, illa man rahimahullah. Illa man rahimahullah. Donc il dit justement par la suite que ce fondement est ignoré par la plupart des gens qui appellent la science, qui prétendent la jalousie sur la religion. Et qu'aujourd'hui chacun appelle à lui-même, et chacun se voit comme étant justement lui le gouverneur. C'est-à-dire chacun appelle à l'autorité, à ce qu'on lui obéisse. Donc il a dit, notre obligation commune à tous, c'est que chacun connaisse son rang et sa place, gouverneur ou gouverné. Et que chacun qui est autorité, applique son autorité selon celle d'Allah et de son messager, que celui qui doit obéir, obéisse. D'accord ? Celui qui doit obéir, obéisse. Qu'on appelle à l'amour entre nous, à l'entraide dans la piété et l'obéissance, et l'union. Et cela sur quoi? Sur la réforme. Sur la réforme. C'est comme cela que nous serons justement les vainqueurs. Qala wa alayna najtami' ala al-haq wa nata'awun alayhi. On se lie sur la vérité. Il a bien précisé, c'est pas on se lie n'importe comment. Si on se lie sur la vérité, qu'on s'entraide dessus, et qu'on soit sincère dans toutes nos œuvres, et qu'on justement s'efforce à accomplir un seul et même but, qui est la réforme de la communauté. Une réforme religieuse et une réforme mondaine. C'est-à-dire une réforme dans la religion et une réforme dans notre dunya. On fasse les causes pour cela. Et cela, comme on dit, des causes le ma'ayumkin, en mesure de capacité, c'est-à-dire sans dépasser les limites. On veut obtenir la réforme de la religion, on le fait comment? En obéissant, pas en désobéissant. C'est pas en innovant qu'on va réformer la communauté. Des gens veulent arriver à faire un sulh dans la. Comme par exemple les Ikhwanis Muslimoun, qui s'appelle parmi eux Hizb, qui s'appelle Hizb al-Islah de la réforme, ils tombent dans voilà les contradictions pour pouvoir réformer. C'est-à-dire, je désobéis pour obéir. On dit, c'est pas logique. C'est pas logique. Quelqu'un vient te dire, ouais, moi je fume pour pouvoir me guérir d'un cancer des poumons. On dit, tu vas pas aller loin comme ça. Toi, tu fais le contraire, tu vas arriver à rien. Et après, ils disent, non, t'as pas compris. Là, t'as les fiqh al-waqir, tu connais pas le fiqh de l'actualité. Vous êtes des gens, vous êtes encore dans. À l'époque, comme l'a dit Tariq Obrou, à l'époque des Bédouins du XVIIe siècle, il parlait des Sahaba. A'oudhou billah. On n'est plus à cette époque-là, c'est fini. Et même dans ce qui touche à la réforme mondaine, on cherche à voir les bienfaits de la dunya sans transgression pareille. On veut des bons médecins, il n'y a pas de problème, c'est une chose, c'est un fort qui faille. Non, tombe pas dans les moukhalafats pour être un bon médecin. On veut des pilotes d'avion, taïeb, on tombe pas dans les moukhalafats pour ça. On veut des écoles pour former les enfants et leur apprendre des choses en premier moment du dîn et de la dunya. Taïeb, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui est contre cela. Mais pas comme eux le font aujourd'hui, les font. Mixité, avec un tas de moyens qui sont haram. Donc on dit, si c'est comme ça, on ne le fait pas. Si c'est comme ça, ce n'est pas la peine de le faire. Car c'est une chose à la base. Allah subhanahu wa ta'ala ne dira pas au Yawm al-Qiyamah où étaient les docteurs. Ce ne sera pas un péché pour toi. Par contre, si jamais tu ne connais pas le tawhid, tu ne l'appliques pas, tu ne l'as pas enseigné alors que tu le connaissais, tu seras blâmé pour ça. Mais demain, tu as pris la médecine, tu ne l'as pas pu l'enseigner parce que tu n'avais pas les moyens, parce que tu n'avais pas devant toi une façon de le faire de façon légiférée, il n'y a pas de péché sur toi. Mais le tawhid, tu n'y appelles pas. Là, tu seras blâmé. Et encore pire, tu ne l'appliques pas. Donc c'est à ça que le shir, justement, il fait allusion là maintenant. Que notre but soit un seul et unique but, le dîn, la réforme de dîn, la réforme de la dunya, cependant de façon légiférée. De façon légiférée. Et des fois, il y a des cas de daroura, tubih al-mahdhurat, il y a des cas des fois nécessité vitale qui te force à tomber dans l'interdit. Mais cet interdit dans lequel tu tombes, on te l'a imposé. Tu ne l'as pas choisi. Tu as des gens, ils ont le choix, s'ils veulent, ils ne posent pas des choses, ils te les imposent quand même. Malheureusement. Donc il le redit à la fin. Inna al-kalimat iza tafarraqat wa al-ra'iyat iza tamarradat dakhalat al-ahwa wal-dagha'in wa sara kullu wahidin yasa li tanfiz kalimatihi wa in tabayyana anna al-haqq wal-'adl bi khilafiha wa kharajna 'an tawjihat Allah ta'ala haythu yaqul يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا جفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فإذا عرف كل واحد منا ما له وما عليه وقام به على وفق الحكمة فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكماله. Il dit justement que si jamais notre union, notre kalimette, notre parole se divise et que, on va dire, les gouvernés se rebellent et que les passions rentrent, ainsi de suite, et que chacun s'efforce pour que sa parole soit appliquée, la sienne, pas celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que la vérité lui soit démontrée. C'est-à-dire que quelqu'un appelle à quelque chose, il a une idée en tête, et qu'on lui montre que son idée n'est pas conforme à la vérité, et qu'il persiste, d'accord, il persiste, et qu'on sort justement des directives de notre Seigneur. On sort des directives de notre Seigneur lorsqu'il dit justement, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission, et accrochez-vous à la religion d'Allah, tous, et ne vous divisez pas. Hadhihi al-aya. Si chacun d'entre nous sait cela, quelle est sa place, qu'est-ce qui lui incombe, et qu'il s'en, yani il s'en décharge, il l'assume, et cela en conformité avec la sagesse, c'est-à-dire avec la législation, alors les choses générales ou même privées se dérouleront de la meilleure des façons, et la plus complète. Wadi kalimat haq, fi'alan. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Si on obéit autant qu'on peut et on se tient droit, Allah nous a promis la réussite. En ce qui te concerne, toi et ta famille, eh bien, cette réussite soit dans ta maison à toi. Quoi, quel que soit le hal du gouverneur. Toi, si tu appliques chez toi cette hikmah et cette ta'a et ce sam, comme il se doit, Allah mettra la baraka et le tawfiq dans ta maison à toi. Et les problèmes sont pour les gens d'un problème. Et au pire, tu subis, ce sera une épreuve pour qu'Allah t'élève en degré. Biznillah. Mais cependant, il faut appliquer ce os qui est l'obéissance. D'accord ? Et l'écoute. Et les gouverneurs, sallallahu alayhi wa sallam, l'ummah, yani hukaman ou mahkoumin, qui accordent le tawfiq à tous, qu'eux-mêmes doivent être conseillés dans leurs erreurs. Mais comme on dit, le conseil se fait déjà par les gens de science, avec science, avec sagesse. Pas n'importe comment. Tu ne fais pas inkar munkar ma wa ankar minhu. Tu ne blâmes pas le blâmable à un acte encore plus blâmable. Sinon, les résultats, on les a vus. Tunisie, on a vu. L'Égypte, on a vu. On voit encore. Hein? Tout ça, on l'a vu. La Syrie. Et le Yémen. Le Yémen, actuellement, là, même avec les Houthis, ça a débuté comment?